Bonjour Arjuna, et en ce mardi 25 décembre, notre émission porte comme il se doit sur les contes de Noël. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour et joyeux Noël à toutes et à tous. C'est des contes et de leurs origines dont il est question toute la semaine dans la compagnie des auteurs. Nous avons commencé hier par rechercher la clé des contes avec Bernadette Bricou, alors même que ce genre littéraire a partie liée avec le mystère et qu'il y a bien souvent profusion de clés et de verrous dans ces histoires. Mais elle a su nous éclairer au cours d'une émission à retrouver en téléchargement. L'histoire célèbre du petit chaperon rouge est justement l'un de ces contes aux multiples serrures et Anne-Marie Gara a proposé d'en ouvrir quelques-unes dans son essai Une fin de loup chez Actes Sud. Elle nous en parlera dans l'émission de demain. Enfin jeudi avec Cyril François, nous verrons comment la plupart des contes ont été écrits par plusieurs personnes en réalité, des conteurs relatant des histoires déjà racontées auparavant et comment cet enchevêtrement de voix est même constitutif du genre. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler donc spécifiquement des contes de Noël, nous sommes avec Jérémy Benoît, conservateur au musée de Versailles, par ailleurs spécialiste de l'Empire, mais également du chamanisme. Il travaille aussi sur les contes populaires. On lui doit en particulier un essai intitulé « Les origines mythologiques des contes de Grimm » aux éditions Porte-Glaive, c'était en 1996, et puis plus récemment, en 2017, un livre intitulé « Le bouquin de Noël » aux éditions Robert Laffont, dans la collection Bouquins, justement, livre où il a rassemblé les récits, poèmes et contes de Noël des plus grands auteurs de tous les temps et de tous les pays, comme par exemple ce poème de Guillaume Apollinaire intitulé « Les sapins » lu en archive, et c'est un cadeau supplémentaire, par Jean Cocteau lui-même. « Les sapins, en bonnet pointu, de longues robes revêtues comme des astrologues, saluent leurs frères abattus, les bateaux qui sur le Rhin voguent, dont les sceptres endoctrinés par les vieux sapins, leurs aînés qui sont de grands poètes, ils se savent prédestinés à briller plus que les planètes, à briller, doucement changés en étoiles et enneigées, au Noël bienheureuse, fête des sapins en songer, aux longues branches langoureuses. Les sapins, beaux musiciens, chantent des Noëls anciens, au vent des soirs d'automne, ou bien, graves magiciens, incantent ciel quand il tonne. Des rangées de blancs chérubins remplacent l'hiver les sapins et balancent leurs ailes. L'été, ce sont de grands rabbins, ou bien de vieilles demoiselles. Sapins, médecins, divagants, ils vont offrant leurs bons onguents quand la montagne accouche, de temps en temps, sous l'ouragan, un vieux sapin geint et se couche. Du recueil Alcool. Bonjour Jérémy Benoît. Bonjour. Joyeux Noël, merci d'être avec nous. Merci. Alors, il n'est pas seulement question de Noël hein, dans ce poème d'Apollinaire qu'on vient d'entendre, puisqu'il est question des sapins pendant l'été également, mais le sapin c'est vraiment le décor de Noël. Oui, c'est le décor par excellence. Bien sûr, ce texte d'Apollinaire s'éloigne un peu du sujet strictement de Noël, mais c'est un peu l'état d'esprit général du XXe siècle, en fait, dans la littérature autour de Noël. Il y a une incrédulité générale due finalement au matérialisme ambiant de la culture du XXe siècle. Et Apollinaire, en fait, est surtout porté sur les aspects poétiques du sapin, bien sûr. Alors, ce poème, Apollinaire ne l'a peut-être pas rédigé pour Noël, il l'a peut-être rédigé par ailleurs. Oui, très certainement. Il faut pas oublier qu'il est d'origine polonaise aussi, hein, en tout cas par sa mère. Donc évidemment, il est très porté sur cette culture un peu nordique, qu'il a transporté également en France d'une certaine façon. Le thème du sapin est beaucoup plus un mythe, si vous voulez, en soi, que strictement attaché à Noël également. Oui. Mais alors à Noël, le sapin quand même incarne peut-être la nature ou son renouveau, l'entrée dans une année où on va voir les jours s'allonger et la nature renaître. Oui, alors le sapin, c'est un peu comme le hou en particulier. Ce sont les plantes qui ne périssent pas à la mort de l'année, précisément autour de Noël, et qui perdurent. Donc elles sont aussi annonciatrices de l'année nouvelle. Et donc c'est la raison pour laquelle le sapin est devenu si symbolique de Noël, précisément. Oui. Alors vous racontez aussi dans votre préface, Jérémy Benoît, comment le sapin a été révélé en France à l'époque de Louis XV. Oui, tout à fait. Les premières traces du sapin de Noël dans la France continentale, si j'ose dire, enfin le pays de France, c'est en fait la reine Marie Leczinska, épouse de Louis XV, qui l'a transporté pour la première fois à Versailles en 1738. Il ne semble pas attesté par la suite, même Marie-Antoinette sous Louis XVI ne semble pas avoir transporté le sapin. Il faudra attendre Louis-Philippe. Un siècle presque après. Oui, en fait autour de 1845, pour que l'épouse de son fils aîné, donc la princesse Hélène de Mecklembourg du nord de l'Allemagne, transporte définitivement le sapin en France, au palais des Tuileries. Et puis alors, on le sait bien sûr, ce sont les Alsaciens venus en masse après la guerre de 70 qui ont définitivement implanté le sapin en France. En Angleterre, Victoria, la reine, aimait beaucoup aussi oui, le sapin. Oui, justement, précisément également par le biais de son époux, hein, qui était duc de Saxe-Cobourg-Gotha. Donc bien sûr, toute cette culture allemande, en fait, a transporté le sapin finalement à travers le monde entier, puisque je me souviens avoir vu au Japon, au moment de Noël, de grands sapins dans les grands hôtels, etc. C'était tout à fait extraordinaire. Et cette euphorie générale de Noël qui a vraiment gagné tous les pays sans que beaucoup, comme le Japon précisément, ne comprennent strictement pas de quoi il s'agit, bien entendu. Alors justement, c'est vrai qu'on a un petit peu oublié ce que Noël voulait dire. Mais vous expliquez, Jérémy Benoît, que s'il y a bien une catégorie de personnes qui n'a pas oublié ce que Noël voulait dire, c'est précisément les conteurs et les écrivains. Oui, alors ça c'est vraiment une chose extrêmement importante. Il faut bien comprendre qu'il y a certains thèmes qui sont récurrents au moment de Noël. Bien sûr, toute la décoration, encore une fois. Mais c'est surtout le problème d'un point de vue strictement littéraire et de la pensée, si vous voulez, ce retour à toute cette fantasmagorie. Il y a des apparitions partout au moment de Noël. Il y a des morts d'enfants qui sont transfigurés dans la lumière régénératrice du solstice d'hiver. Parce que Noël, c'est le solstice, c'est le retour de la lumière que l'on attend et que l'on fête. C'est un tout petit peu avant Noël, c'est le 21 décembre. Oui, mais toute cette période en fait de qu'on appelle le cycle des 12 jours qui va de Noël jusqu'à l'Épiphanie, c'est l'attente et la célébration du retour, du renouveau, de l'abondance également, dont le sapin est le symbole, encore une fois. Et donc tous ces écrivains ont été très portés sur ce contact avec un monde nouveau qui va apparaître, tous ces esprits avec lesquels l'homme entre en contact au moment de Noël. Alors qu'est-ce que les écrivains et les conteurs, ou ceux qui écrivent des contes, ont conservé mieux que la société elle-même de cet esprit de Noël, selon vous ? Alors, il faut distinguer, si vous voulez, certaines périodes d'écriture, bien entendu. Au Moyen-Âge, par exemple, nous avons quelques très grands textes extrêmement importants où là, nous avons un Noël strictement païen, c'est-à-dire la célébration du solstice. Le Christ est totalement absent, le christianisme est totalement absent. En revanche, il faut attendre la période romantique pour que l'on voit réapparaître cet esprit païen. Mais très souvent avec cette folklorisation autour du sapin, autour de la naissance de l'enfant Jésus, etc. Il n'empêche qu'il y a énormément d'apparitions. Il y a également le grand thème de la chasse sauvage, qui est celle en fait dont le Père Noël est un avatar. C'est le dieu Odin qui transporte les esprits des morts dans le ciel. Il ne faut pas sortir durant les nuits sacrées, de peur d'être emporté précisément dans un monde autre, le monde des esprits, le monde de la mort de l'année qui vient de s'achever. Et puis, à partir de la fin du 19e siècle, on voit une troisième période se dessiner d'une certaine façon, beaucoup plus réaliste, et qui peu à peu va tourner vers cette absence de sacralité totale, où la mercantilisation et l'américanisation, même d'une certaine façon, le thème du cadeau est absolument essentiel, si vous voulez. Mm-hmm. C'est les festivités de Noël. On ne sait plus trop pourquoi on célèbre la fête. En tout cas, elle est toujours là, elle perdure. On sait, tout le monde ressent au moment de Noël quelque chose d'un peu magique, d'un peu étrange également. On fait une sorte de bilan de soi de l'année, un bilan de vie très souvent. Tout cela participe également du mythe de Noël. Et cela, on le retrouve alors dans les contes depuis le Moyen-Âge. Il y a ces grands thèmes qui sont présents et qui sont récurrents à travers les siècles, ou est-ce que quand même les contes ont beaucoup changé ? Alors les contes ont énormément changé. Effectivement, au Moyen-Âge, c'est surtout des contes mythologiques, si vous voulez, qui apparaissent, je pense, à Sir Gawain et le Chevalier Vert, qui est un long conte en vers anglais du XIVe siècle, où là, nous avons la décapitation de l'année, donc la mort de l'année. Et donc toute une mythologie, si vous voulez, autour de la légende arthurienne médiévale. Tolkien aimait beaucoup, je crois, ce conte-là. Tolkien, dont on a parlé dans la Compagnie des auteurs quelques semaines, était fasciné par ce conte en particulier. Évidemment, très, très tourné vers cette culture, bien entendu, celtique et arthurienne. Ensuite, nous avons plutôt d'autres périodes qui sont tournées vers la célébration du mythe à travers une magie, si vous voulez, générale, mais qui est plus... malgré tout en lien avec la réalité. Même ce sont des auteurs comme Jean-Paul Richter en Allemagne au moment de l'époque romantique, sont quand même bien que très tournés vers le sacré, sont toujours ancrés dans la réalité. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui annonce en fait les 19e et 20e siècles. La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons des contes de Noël avec vous, Jérémy Benoît. Alors Noël, c'est les cadeaux, c'est le sapin, mais c'est aussi les revenants. Il y a beaucoup de contes dans votre anthologie parue il y a quelque temps chez Robert Laffont, dans lesquels on trouve des revenants chez Andersen, chez Gogol, chez Hoffmann, chez Dickens, chez Daudet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet aspect-là récurrent chez ces divers auteurs, du thème comme ça, du revenant, parce que c'est pas a priori comme ça qu'on imagine Noël aujourd'hui. Oui, absolument, c'est quelque chose de très étrange par rapport au Noël que l'on vit de nos jours. En fait, il faut bien comprendre que nous avons affaire là à une culture traditionnelle de l'Europe, qu'elle soit celtique, germanique, latine, slave. Partout, au moment de la mort de l'année, c'était une époque qui était en fait une période d'entrée en contact avec les esprits et avec les morts. Ça commence. C'est pas la Toussaint. Oui, ça commence. C'est qu'en fait, il faut imaginer que Noël, pour beaucoup de cultures, commence beaucoup plus tôt que ce que nous on considère comme étant Noël, c'est-à-dire depuis en effet la Toussaint. Oui, tout à fait, chez les Celtes en particulier, puisque c'était la grande fête de Samhain, qui est devenue précisément la Toussaint de nos jours, christianisée bien entendu. Donc c'était la fête des morts, et tous ces revenants sont liés en grande partie également à la culture germanique. Il y a le grand thème de la chasse sauvage qui est celle du dieu Odin, traversant les airs, suivi par tous les guerriers morts au combat, par tous les morts également de l'année, qui sont une sorte de cohorte de la nuit sauvage. Donc il faut absolument, comme je disais, éviter de sortir dans les nuits sacrées. Mmh. Et alors nous avons ce thème que l'on retrouve effectivement chez différents auteurs, en particulier chez Selma Lagerlöf également. Signaler d'ailleurs que le livre de Noël reparaît ces jours-ci chez Actes Sud. Oui. Mmh. Voilà, donc c'est alors Selma Lagerlöf, par exemple, comment parle-t-elle des revenants ? Alors elle en parle à travers un conte qui s'appelle Le Crâne, qui est tout à fait traditionnel dans les pays scandinaves. On trouve des contes un peu du même genre, des contes folkloriques populaires en Islande sur le thème du crâne. En fait, c'est le thème d'un crâne qui revient au moment de la nuit de Noël et qui commence à parler et qui dérange évidemment toute la réalité de la vie sacrée. On trouve également chez Selma Lagerlöf un grand thème qui est celui de la nuit de Noël des animaux, évidemment qui est christianisé avec l'âne, le bœuf de la crèche, hein, mais qui sont des animaux tout à fait domestiques. Là, nous avons affaire avec Selma Lagerlöf à des animaux sauvages. C'est la grande déesse Uldra qui suivait la chasse sauvage justement du dieu Odin, qui fait parler les animaux dans les nuits sacrées. Et donc là encore, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux à côtoyer, à rencontrer tous ces animaux sauvages au moment de Noël. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le sotème a été également largement développé en Normandie par un écrivain très méconnu de nos jours, qui écrivait en latin d'ailleurs, qui s'appelle Orderic Vital, qui lui aussi a rencontré la chasse sauvage dans la nuit de 1091. Donc c'était un prêtre d'une paroisse d'un village qui existe encore. Hein. Donc il y a eu tout un mythe autour de cette légende. Donc on voyait le dieu Odin et tous les guerriers qui le suivaient, des géants complètement difformes. Et c'est ce grand thème que l'on voit absolument partout, avec tous ces revenants, toutes ces morts. Et il y a un thème tout à fait particulier également dans dans ce thème de la mort chez les écrivains, c'est celui de la mort des enfants, qui est lié évidemment à l'enfant Jésus, bien entendu, c'est très chrétien d'une certaine façon, mais cette mort des enfants est toujours transfigurée par la naissance du Christ. En fait, ils sont appelés par le Christ à devenir des sortes d'anges dans la nuit de Noël. Alors là, il y a l'exemple que vous donnez de François de Copé, justement, dans l'un des contes où on voit la mort d'un enfant qui est enterré. Donc ça, c'est un conte du 19e siècle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, c'est un conte qui est parmi les plus émouvants qui soit sur Noël. Enfin, ça se passe bien avant, en fait, d'une certaine façon, puisque c'est un enterrement civil. Ce conte se passe au moment de la Toussaint. Donc c'est vraiment la mort de l'année et nous sommes toujours dans le même contexte, j'insiste bien. Cet enfant donc était malingre et donc est enterré le jour de la Toussaint. Et quand les parents rentrent chez lui, ils jettent les béquilles sur son lit blanc avec son petit drap blanc et les béquilles forment une croix. Et le père, qui était un athée évidemment, voit cela, se tourne vers sa femme et lui dit « enterre-le comme tu veux », d'un air de dire « enterre-le chrétiennement, ça ne pose aucun problème ». Oui, voilà. Donc c'est une volonté là de christianiser, enfin en tout cas de faire l'apologie quand même de la conversion, alors qu'on est au 19e siècle, à un moment où justement on devient plus matérialiste, est-ce que c'est cela aussi ? Il y a peut-être de cela, je pense plutôt qu'il s'agit d'un problème général où la culture chrétienne de toute façon est entrée un petit peu dans tous les esprits et s'est parfaitement mêlée au final dans la culture de Noël d'origine païenne encore une fois. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Jérémy Benoît, vous avez évoqué la Normandie tout à l'heure pour parler de ces contes de Noël. Et c'est vrai que la Normandie, c'est un endroit de France où on a beaucoup d'écrivains qui se sont adonnés finalement à l'écriture du conte de Noël. Maupassant, par exemple, ou encore Jean de la Varande. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui ferait que, dans ce coin-là de la France, on écrirait davantage qu'ailleurs des contes de Noël ? Alors oui, je crois qu'il y a une raison très profonde. Il ne faut jamais oublier que ce sont les Normands, au moment des croisades, qui ont ramené les reliques de Saint-Nicolas, qui étaient en Sicile, et les ont ramenées en Normandie. le mythe de Saint-Nicolas, on sait très bien ce qu'il est devenu, c'est le Père Noël, tout simplement. Donc je pense qu'il y a un véritable enracinement de cette culture germanique d'une part, de la chasse sauvage, puisque le Père Noël en est également l'avatar, mais également de ce grand mythe de Saint-Nicolas, distributeur de cadeaux. Et c'est la raison pour laquelle les écrivains qui sont très marqués par leur terroir normand ont passablement écrit effectivement sur Noël. Par exemple, Maupassant, qu'a-t-il écrit de mémorable parmi ces contes? Il a écrit des contes assez étonnants, bien dans son esprit d'ailleurs, très, très réaliste, très matérialiste si l'on peut dire, mais un accouchement au moment de Noël par exemple, alors c'est évidemment la naissance de l'enfant est considérée comme la naissance de l'enfant Jésus, bien entendu. Ça, c'est l'arrière-plan chrétien, si vous voulez. Il n'empêche que le père, qui ne voulait absolument pas avoir d'enfant, le renie et décide de ne plus jamais fêter le réveillon. Mmh. Voilà, donc c'est un conte tout à fait étonnant, tout à fait dans l'esprit un peu torturé et étrange de, qui est celui de Maupassant, mais tellement brillant en même temps dans le style. Donc ce qu'on comprend aussi, Jérémy Benoît, c'est que les contes sont toujours ancrés dans un territoire, même si ça voyage dans le monde entier et que les mythes et les légendes se propagent d'une région à une autre, il y a quand même quelque chose de territorial. Pas toujours, mais c'est vrai qu'on reconnaît quand même chez certains écrivains. En Belgique, par exemple, le grand mythe de Saint-Nicolas est assez présent également. Avec ce côté très truculent de la culture belge et flamande en particulier. Évidemment, en Scandinavie, on trouve Andersen, Selma Lagerlöf. Là aussi, il y a quelque chose d'assez ancré. C'est assez vrai également chez les Russes. Saltykov, Chédrine ou Dostoïevski, Afanassiev également, qui a publié des contes de Noël, des contes populaires russes, dont le fameux Gel, hein, le Ded Moroz russe, qui est le grand-père Gel, l'une des grandes figures qui s'est assimilée peu à peu au Père Noël également de nos jours, vous voyez. Donc on reconnaît parfaitement des terroirs. Gogol aussi, ce sont des contes très ukrainiens. Bien sûr, oui, oui. La culture ukrainienne n'est pas malgré tout si éloignée de la culture slave au sens large et russe, bien sûr. On trouve des choses très drôles chez Gogol, hein, la nuit de Noël, justement, où il y a une sorcière qui sort à cheval sur un balai qui sort par une cheminée. Le conte commence comme cela. Bon, on connaît le style de Gogol, hein, qui est très ironique, très amusant, très drôle, qui nous fait assister à des scènes un petit peu étranges, très inspirées par Hoffmann également, hein, ce grand romantique allemand. Donc tout cela est assez truculent dans l'œuvre de Gogol, voilà, qui est l'un des grands écrivains russes indéniablement. Enfin, tout cela, ça signifie donc qu'il y a toujours une légende, un mythe primitif, ou presque toujours, dans tous ces contes. C'est une caractéristique du conte de Noël. Oui, le conte de Noël, c'est un genre littéraire presque à part entière, pourrait-on dire. Il est indéniable qu'on reconnaît le style de certains écrivains immédiatement. Encore une fois, Maupassant, Dostoïevski. Dickens aussi, dans un autre genre. Dickens, bien entendu, avec ce côté aussi très, très amusant, très, très inventif dans les scènes. Il n'empêche que de toute façon, derrière, il y a toujours une mythologie. On peut dire que la mythologie de Noël perdure et continue à vivre de nos jours. Une mythologie ou des mythologies? Je dirais une mythologie qui peut être un petit peu multiforme. Les festivités de Noël sont tellement denses, tellement riches, tellement contradictoires également. Comment expliquer par exemple que l'on pose une crèche chrétienne au pied d'un sapin d'origine scandinave, germanique, avec une étoile chrétienne souvent en haut du sapin. Avec une étoile chrétienne en haut, voilà. Donc il y a tout cela se mélange, tout ça fait un amalgame qui a créé une nouvelle mythologie. Jésus lui-même est plutôt un dieu enfant, mais en fait en arrière-plan il y a un grand dieu germanique de lumière, c'est le dieu Heimdall, qui est l'un des grands dieux germaniques païens, qui se présente également. Donc voilà, on retrouve tout cela. Odin, évidemment, avec le mythe de la chasse sauvage, qui est essentiel absolument dans tous les contes de Noël. Parce que ça veut dire, c'est peut-être que Noël est universel, ou presque, et que c'est le grand syncrétisme des légendes qui se retrouve là. Alors c'est tout à fait exact ce que vous dites. Simplement, je pense que quand on voit effectivement des Noëls dans certains pays africains, ou encore une fois au Japon, même en Chine maintenant, Je pense que là, c'est totalement incompris. C'est simplement une fête mercantile. Ça peut être aussi des Noëls qui sont, comme vous le disiez précédemment, liés au passage d'une saison à une autre, au début du rallongement des jours. Donc, même si ça n'est pas le Noël que nous, on connaît en Occident, il y a peut-être toujours des histoires à ce moment-là, quand même, de l'année qui sont racontées. Oui, tout à fait. Alors, c'est le cas au Japon. Au Japon, il y a des personnages qui sont au nombre de 12, les Shishifukujin, qui sont des personnages qui apparaissent au moment du solstice d'hiver et qui font effectivement un voyage sur une barque pour le passage de l'année. Donc on voit très bien que le Noël occidental s'est totalement plaqué sur ce Noël traditionnel japonais qui subsiste d'une certaine façon, très atténué derrière tous les décors occidentaux du sapin, etc. Alors Jérémy Benoît, on n'a pas encore écouté vraiment de conte de Noël. Il va falloir réparer ça avec un conte que Anne-Vanessa Prévost de l'équipe de la Compagnie des Auteurs a pris un bien malin plaisir à sélectionner aujourd'hui, vous allez comprendre. De dinde truffée, Carigou. Oui mon révérend, de dinde magnifique bourrée de truffes. J'en sais quelque chose puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue. Jésus, Maria, moi qui aime tant les truffes. Donne-moi vite mon surplus, Garrigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des hubes, des gélinottes, des coques de bruyère. La plume en volait partout. Puis, de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Grosses comment, les truites, Garrigou? Oh, grosses comme ça, mon révérend. Énormes. Oh, mon Dieu. Il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, il ne faut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent, pleines de vin de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les surtout ciselés, les fleurs, les candélabres, jamais il ne sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins 40 à table, sans compter le bailli ni le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. Allons, allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de nativité. Allez, va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. Et on va apprendre que ce Garrigou est en vérité un diable, un vilain diable, même Jérémy Benoît, et il cherche à tenter l'ecclésiastique. C'est pas bien ça. Alors tout à fait, c'est là encore c'est le thème de l'apparition diabolique au moment des nuits sacrées de Noël. Ce Garrigou est tout à fait l'un des personnages les plus étonnants et les plus amusants, si l'on peut dire, de cette littérature de Noël. Mais il participe effectivement de tout ce contexte des religieux catholiques avec les trois messes basses d'Alphonse Daudet, hein, tout simplement, puisqu'il s'agit de ça. On lisait traditionnellement trois messes au moment de Noël, l'une à la fin de la journée du 24, l'une dans la nuit, l'une au matin avant la grande messe du 25 décembre, bien sûr, de la naissance du Christ. Et donc c'est ces trois messes basses dans lesquelles apparaît Garrigou qui s'est substitué donc au bedeau qui accompagne Dom Balaguer, l'ecclésiastique dont vous parliez dans ce conte. Oui, mais alors vous dites que c'est un conte amusant, et ils sont pas tellement amusants en général les contes de Noël, ils ont plutôt une vocation qui cherche à émouvoir, et puis on a tendance à émouvoir sur la faiblesse, sur la pauvreté, sur les enfants qui ont faim, qui ont froid. Ça, c'est un thème davantage récurrent, me semble-t-il, des contes de Noël. Oui, absolument. C'est généralement effectivement des thèmes assez moralisateurs qui sont récupérés et réutilisés donc dans les contes de Noël. Ici, c'est un cas un peu rare, effectivement, où là, Alphonse Daudet a donné libre cours à sa fantaisie pour nous faire une apparition qu'il tourne en dérision. Tout ça se passe sur le mont Ventoux dans la nuit de Noël, au moment des trois messes basses. C'est l'un des contes les plus célèbres de nos jours, mais peut-être précisément également parce qu'il rompt précisément avec la tradition moralisatrice de Noël. Oui, qui aujourd'hui vous semble toujours de mise. Il y a peut-être pas beaucoup de contes de Noël écrits aujourd'hui en Europe. Aux États-Unis, il y a peut-être davantage, en tout cas dans les pays anglo-saxons, la tradition du conte de Noël encore dans les journaux. Et c'est une tradition qui reste selon vous toujours moralisatrice ? Oui, enfin je connais assez mal ce qui se passe de nos jours, en particulier dans les pays anglo-saxons, mais je pense qu'effectivement il y a une tradition qui est peut-être plus forte qu'en France, parce que l'Angleterre a également participé effectivement à la création du décor de Noël, avec toutes les fameuses chansons, les Christmas carols, etc. C'est un peu comme l'Allemagne, si vous voulez, c'est une fête essentielle. Il faut pas oublier que dans les pays catholiques, la grande fête chrétienne a longtemps été Pâques, c'est-à-dire la transfiguration du Christ, la montée du Christ au ciel. La naissance de l'enfant Jésus était considérée comme relativement secondaire. Peu à peu, ça a pris la place que l'on connaît, mais la France n'est pas un pays qui est vraiment en pointe dans ce domaine, contrairement aux pays plus nordiques. Alors Jérémy Benoît, on va continuer cette conversation autour des contes de Noël avec vous, juste après, en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en compagnie aujourd'hui de la revue Philite, avec vous Mathieu Giroux, bonjour et joyeux Noël. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors vous venez aujourd'hui présenter cette revue dont le titre est une contraction de philosophie et littérature. C'est aussi un mot anglais finalement, Philite. Ouais, can you feel it, oui. Merci pour la précision. Alors je commencerai par préciser que Philite est d'abord un site internet, philite.fr. Et c'est parce que le site fonctionnait bien qu'on a fait une revue tout d'abord de façon artisanale en 2015. Et depuis le début de l'année 2018, là, nous sommes édités par les éditions du Rocher, donc nous sommes contents. J'aime à présenter Philite comme une revue anti-moderne, ou plutôt comme une revue au service des écrivains anti-modernes. C'est rare ça d'afficher l'anti-modernité quand on est oui. Jeune en plus comme vous. Il y a une confusion sur ce terme. Nous, on se met sous le patronage d'écrivains prestigieux, bon, parce que c'est pratique, comme Charles Péguy, Georges Bernanos, Dostoïevski ou Léon Blois. Et tous ces écrivains ont formulé une critique de la modernité. Donc pour revenir sur le point anti-moderne, il faut l'entendre selon la définition qu'en donne Compagnon dans un livre qui est assez célèbre, qui s'appelle « Les anti-modernes » de Joseph de Maistre à Roland Barthes, où il explique, en reprenant les propos de son maître Roland Barthes justement, que les anti-modernes sont ceux qui sont à l'avant-garde de l'arrière-garde et à l'arrière-garde de l'avant-garde. Mm-hmm. Ce sont ceux qui sont le creux du moderne ou encore le sel du moderne. Ce sont en réalité des écrivains qui sont emportés par le mouvement de la modernité, mais qui se méfient de l'idéologie du progrès. Par exemple, le Baudelaire qui parle du fanal obscur. Le fanal est une lanterne, donc un oxymore. Bon, en résumé, ce sont des écrivains qui avancent en regardant dans le rétroviseur. Mmh. Et qu'est-ce qui vous semble important à défendre dans cette non-modernité, cette anti-modernité ? Dans cette anti-modernité ? Ce qui est important déjà, c'est de la distinguer de la tradition réactionnaire, de la tradition conservatrice et de la tradition traditionnaliste. Les écrivains antimodernes ont une tendance littéraire. C'est pour ça que, paradoxalement, Compagnon va faire rentrer Joseph de Maistre dans la tradition antimoderne, alors que c'est le père des réactionnaires. Mais parce que c'est un grand écrivain, il le considère comme antimoderne. C'est problématique. Et il ne fait pas rentrer Bonald, par exemple, dans la catégorie anti-moderne, alors qu'il pourrait le faire. Mais je pense que c'est parce qu'il préfère le style de Joseph de Maistre. Mmh. Alors ça donne quoi, une ligne éditoriale anti-moderne pour une revue ? Comment est-ce qu'on traite de façon anti-moderne, je ne sais pas, un sujet par exemple philosophique ? Ou, pour prendre l'exemple du numéro en cours, comment avez-vous traité le thème de ce numéro-là de manière anti-moderne, Mathieu Giroux ? Donc le dernier numéro de Philite, qui est le numéro 7, qui est sorti en octobre dernier, est consacré au thème de la mort. Et nous avons choisi de titrer « Memento Mori ». Memento mori, c'est un vieil adage antique qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Et l'enjeu de ce numéro consiste à montrer que la mort n'est pas quelque chose qu'on doit éviter, comme le soutiennent en ce moment les tenants du transhumanisme, mais comme quelque chose qui doit être accepté, souhaité même, consenti, pour reprendre une terminologie de Paul Ricoeur. La mort demeure la question non résolue par excellence. C'est le grand mystère qui nous ramène sans cesse à la nécessité de l'espèce et à notre finitude. Et en dernière instance, la mort est l'ultime régulatrice, de l'hubris. Et donc, pour appuyer ce propos, vous avez réalisé deux entretiens. Alors, il y a un premier entretien avec l'éminent Christian Jambet, qui est philosophe et islamologue, spécialiste du chiisme et de l'ismaélisme, qui enseigne à l'EPHE, donc c'est l'école pratique des hautes études. Cet entretien a été réalisé par Farès Gillon, qui est récemment devenu docteur en islamologie. Et cet entretien est consacré à la conception de la mort dans la métaphysique de Moulla Sadra. Alors Moulla Sadra, qui n'est pas extrêmement célèbre dans les milieux non spécialisés, était un philosophe iranien chiite du XVIe siècle et qui développe la thèse du rassemblement final où comment les différents étants seront unis à l'être absolu à la fin des temps. Il y a également un deuxième entretien que j'ai réalisé avec Jean-François Prado, qui est professeur de philo à Lyon 3 et qui est spécialiste de Platon. Et dans cet entretien, on s'est surtout interrogé sur la notion d'immortalité de l'âme que Platon formule dans le Phédon. On a du mal à l'appréhender, mais c'est une thèse qui, à l'époque, est tout à fait originale, révolutionnaire. Les prédécesseurs de Platon, Épicure, Aristote ou les stoïciens pensent que l'âme est mortelle. Très bien. Écoutez, je propose qu'on renvoie nos auditeurs sur cette revue. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Alors, vous pouvez la trouver en librairie, dans les bonnes librairies, si on pouvait la commander en librairie quand elle n'est pas présente, et sinon, sur le site internet des éditions du Rocher. Jérémy Benoît, est-ce que les auteurs de contes sont, de manière générale, c'est sûrement un peu anachronique, des anti-modernes ? Pour certains, oui, c'est pour la plupart même peut-être, non ? C'est pas certain, non. Je pense pas que des gens comme Dickens soient des anti-modernes, pas du tout. Au XXe siècle, oui, il y en a certains qui. Mais pas beaucoup. Les usines, c'était quand même pas tellement. Oui, bien non, c'est plus une critique sociale. Une critique sociale n'est pas forcément une critique de la modernité et du progrès. Mais il est certain que de nos jours, oui, il y a des écrivains qui sont totalement anti-Noël, tout simplement comme Mauriac, hein, pour lequel Noël est une imposture. Tout simplement. Ah, mais Mauriac n'était pas un anti-moderne, pourtant, en tous les cas. Et pourtant, c'est ce que se demande régulièrement donc votre revue. Philite, merci beaucoup et à bientôt. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. On repart dans cette seconde partie avec l'extrait d'un conte de Supervielle. Des voisins viennent voir Jésus et la Vierge. Ce sont de pauvres gens qui n'ont à offrir que leur visage radieux, puis il en vient d'autres qui apportent des noix, un flageolet. Le bœuf et l'âne s'écartent un peu pour leur livrer passage et se demandent quelle impression ils vont faire eux-mêmes à l'enfant qui ne les a pas encore vus. Nous ne sommes pas des monstres. Mais tu comprends, avec notre figure qui n'est pas du tout comme la sienne, ni comme celle de ses parents, nous pourrions l'épouvanter. La crèche, l'étable et son toit avec les poutres n'ont pas non plus sa figure. Et pourtant, il ne s'en est pas effrayé. Mais le bœuf n'était pas convaincu. Il pensait à ses cornes. C'est vraiment très pénible de ne pouvoir s'approcher de ceux qu'on aime le mieux sans avoir l'air menaçant. Il faut toujours que je fasse attention pour ne pas blesser quelqu'un. Et pourtant, ce n'est pas dans ma nature de m'en prendre sans raison grave aux personnes ni aux choses. Je ne suis pas un malfaisant, ni un venimeux. Tu ne dois pas trop t'approcher du petit. Il ne faut même pas y songer, tu le blesserais. Et puis, tu pourrais laisser tomber sur lui un peu de ta bave que tu retiens mal, et ce ne serait pas propre. Au reste, pourquoi baves-tu ainsi lorsque tu es heureux ? Garde ça pour toi. Tu n'as pas besoin de le montrer à tout le monde. Mais moi, je vais lui offrir mes deux oreilles. Tu comprends ? Ça remue. Ça va dans tous les sens. Ça n'a pas d'os. C'est doux au toucher. Ça fait peur et ça rassure tout à la fois. C'est juste ce qu'il faut pour amuser un enfant. Et c'est instructif à son âge. Voilà pour ce conte intitulé Le bœuf et l'âne, conte de Supervielle, Jérémy Benoît. C'est une scène de nativité. On est là dans quelque chose qui est de toute évidence un conte chrétien. Oui, c'est évident que nous sommes dans un conte chrétien, mais le sujet est effectivement déplacé de l'enfant Jésus aux deux animaux de la crèche. C'est ça la clé. Et en fait, Supervielle se demande pourquoi en fait les hommes ont un dieu mais pas les animaux. Ce sont des créatures créées évidemment par Dieu comme l'homme. Et en fait, l'âne et le bœuf dans leur dialogue en fait se posent des questions sur les raisons qui les ont portés à ne pas avoir leur propre dieu et comment faire pour s'élever jusqu'à cette espèce d'humanité qui est peut-être plus humaine que celle des hommes, précisément, également. Tout ça, c'est des problématiques assez supervielles, si j'ose dire. Et donc, le bœuf pense pouvoir s'élever par une sorte d'extase, voilà. Alors que l'âne est plutôt dans un registre un peu réaliste, disons. Un peu plus terre-à-terre, oui, effectivement. Alors ça, ce sont les traditions également de la fable, depuis l'Antiquité, hein, bien entendu, qui font que les animaux ont des caractéristiques bien précises que l'on retrouve dans ces deux animaux de la crèche, chez Supervielle. Alors ce qu'il est intéressant de voir également, c'est que là, nous sommes vraiment aux limites avec ce type de conte, aux limites effectivement de cette littérature de folklore, de cette littérature traditionnelle, soit la fable, soit le conte populaire. Voilà, tous les plus grands écrivains se sont tous engouffrés de toute façon dans cette brèche. Et on se dit qu'à travers, en arrière-plan de toute la grande littérature, il y a toujours un arrière-plan culturel qui est indéniablement religieux, quel qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. Un mystique en tous les cas. De toute façon, mystique. D'élévation, quoi. Voilà, une sorte d'évasion qui préside à toute écriture. Est-ce qu'il y a une fonction que pour vous, Supervielle, attribuée à ce conte-là, un effet qu'il souhaitait impulser chez le lecteur pour arriver finalement à un résultat quelconque? Je pense tout simplement qu'il veut poser le problème de la raison, encore une fois, pour laquelle les animaux n'ont pas de dieu, mais essayent de s'élever au niveau de l'homme qui est l'image de Dieu sur Terre. Enfin, il y a toute cette hiérarchie de notre culture également qui fait que tous convergent vers l'homme. Et donc les animaux qui, ne faut pas l'oublier d'ailleurs, ont la réputation de parler pendant la nuit de Noël, ces animaux donc se regardent et voient de quelle façon ils peuvent aborder l'enfant Jésus au mieux pour l'adorer comme des créatures. Donc c'est presque une crèche vivante. C'est une crèche vivante. Et la crèche, c'est un des éléments du décor de Noël. Vous avez commencé d'en parler, de la même manière que le « ou », vous avez aussi commencé à en parler, Jérémy Benoît, mais on peut peut-être encore rajouter un certain nombre de choses sur ce décor de Noël, parce que Noël, c'est quand même beaucoup un décor. Le « ou », ça aussi, dans certaines légendes, servit à abriter Jésus et la Vierge. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette légende-là? Alors oui, tout à fait, tout cela on le trouve en fait tout simplement dans le Nouveau Testament, hein. C'est lors de la fuite de l'enfant Jésus avec ses parents, Joseph et Marie, suite à la décision d'Hérode, du roi Hérode, d'éradiquer donc tous les enfants nés dans la nuit de Noël et qui seraient donc potentiellement des dieux. Tous les sbires d'Hérode sont envoyés pour massacrer les innocents, précisément. C'est le 28 décembre, cette fête. Et donc, l'enfant Jésus est abrité par le hou, qui le défend évidemment avec ses aiguilles, et qui lui aussi est un arbre toujours vert. C'est la raison pour laquelle, là encore, on mêle le hou avec le sapin, qui lui est d'origine germanique. Donc voilà pour le hou, mais le gui, ça n'a rien à voir. C'est une toute autre légende. Alors le gui, c'est plutôt d'origine celtique d'abord. C'est la plante celtique par excellence. la plante sacrée. Donc c'était, évidemment, on connaît la légende des druides qui coupaient le gui sur les arbres. C'est lié, en fait, très certainement au fait de la Toussaint, qui est la grande fête, l'une des grandes fêtes sacrées chez les Celtes, hein, tout simplement. Alors vous avez classé, Jérémy Benoît, tous les textes que vous avez trouvé sur Noël et autour de Noël, hein, puisque on l'a bien compris, si on a le temps, on reviendra là-dessus. Noël, en réalité, pour les conteurs, c'est une période qui s'étale quand même sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc vous les avez classés comme ça, un petit peu chronologiquement, en partant de la Toussaint et pour arriver jusqu'à après Noël, puisque en réalité, ça se poursuit même après le 25 décembre, ces contes de Noël. Il y a une tradition qui conduit jusqu'où d'ailleurs dans l'année? Alors qui conduit en fait jusqu'à l'Épiphanie, et qui est la reconnaissance définitive de la renaissance de l'année. Donc, en fait, ces contes, effectivement, coudrent 2 mois et demi. C'est la grande fête de Samhain, donc celtique, qui commence à la Toussaint. Le grand mois de Yule, qui couvre tout décembre chez les Scandinaves. Il faut pas oublier qu'en Scandinavie, on parle encore du mois de Yol pour parler de Noël. Et puis, évidemment, il y a toutes les fêtes du jour de l'an qui suivent Noël. Grande fête qui est absolument du même type que celle de la naissance du Christ au 25 décembre. Là encore, ce sont des nuits sacrées avec des tapages nocturnes, toujours par référence à la chasse sauvage d'Odin. Donc encore aujourd'hui, quand on brûle des voitures, c'est finalement une référence à la tradition, à la légende aussi. Oui, d'une certaine façon, oui, c'est un peu détourné, bien entendu, c'est un peu des excès, si vous voulez, mais il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge en particulier, il y avait des bandes de jeunes qui troussaient les filles dans les villages, etc., pendant les nuits de Noël. Les enfants qui demandent des bonbons à Saint-Nicolas, c'est toujours la même thématique. Et puis, effectivement, comme vous dites, cette volonté également de mettre le feu partout, parce que c'est le symbole de la lumière qui revient au moment du solstice, au moment du basculement de l'année. Donc ça, c'est assez fantastique quand même que personnes qui, a priori, enfin peut-être que si d'ailleurs, mais qui n'ont peut-être aucune connaissance sur ce que vous venez de dire, ont collectivement comme ça l'envie, depuis des temps immémoriaux, faire une fête qui est assez destructive ce jour-là de la Saint-Sylvestre. Oui, alors effectivement, c'est également, si vous voulez, une sorte d'espèce de période carnavalesque. Tout est permis au moment du retournement de l'année. Rappelez-vous la fête des rois. En fait, c'est évidemment pas un véritable roi. C'est au contraire le premier paysan venu qui a le droit de se couronner roi au moment de ce carnaval de renversement de l'année. Et donc, effectivement, on peut imaginer que tous ces excès dans les nuits sacrées, c'est également cette espèce de carnaval de Noël. Justement, les Espagnols parlent de la période pascale, c'est-à-dire également de ce renversement de l'année, de cette transfiguration qui est tout à fait le cas au moment de Noël, si vous voulez. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, see my two front teeth, gee, if I could only have my two front teeth. Then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say, Sister Susie's sitting on a thistle. Every time I try to speak, all I do is whistle. La compagnie des auteurs sur France Culture. Joyeux Noël à tous. On parle justement des contes de Noël. Est-ce qu'il y a une différence dans cet étalement dans le temps dont on parlait Jérémy Benoît à l'instant, entre la France et les autres pays? Autrement dit, est-ce que les conteurs français sont plus focalisés sur le 25 décembre, qui pour nous est davantage dans la tradition française, l'endroit où on va célébrer Noël, la période où on va célébrer Noël, par rapport aux autres pays? Alors oui, je crois qu'effectivement, on peut distinguer la France de beaucoup d'autres pays, mais en fait, c'est plus généralement même les pays latins qu'il faut, l'Espagne, l'Italie et la France, qu'il faut distinguer des pays nordiques pour lesquels Noël couvre une beaucoup plus grande période. pour lesquels la Saint-Nicolas est une très grande fête également. L'Épiphanie également sont des fêtes assez célèbres. Si vous voulez, la France a été très marquée, comme tous les pays latins, par le christianisme. Et donc, en fait, les jours sont beaucoup plus précis, si vous voulez, pour fêter Noël que dans les pays nordiques où c'est beaucoup plus large, tout simplement. Alors, quels seraient ces contes français du 25 décembre? On a entendu tout à l'heure le diable de Garrigou, mais il y en a d'autres aussi. Alors, il y a des contes tout à fait intéressants d'écrivains comme Paul Arène ou Jules Lemaître, hein, qui sont des écrivains un peu secondaires, disons, de la fin du 19e siècle, mais qui nous ont laissé des choses tout à fait émouvantes. Je pense à la Noël de Marthe, précisément, aussi d'Anatole Lebras, un écrivain breton, mais qui écrivait en français. C'est un conte extrêmement émouvant sur la mort d'une petite jeune fille, justement, au moment de Noël, et là encore, qui est appelée dans la transfiguration de la naissance du Christ, à devenir un ange à ses côtés. Voilà, ça, ce sont les grands thèmes des contes français. L'enfant Jésus est extrêmement présent. Alors certains les ont tournés en dérision, hein. C'est le cas d'Alphonse Allais en particulier, qui nous a laissé deux petits contes extrêmement amusants sur le Père Noël qui se trompe de distribution de cadeaux au moment de Noël. Il donne des corsets et des vêtements très élégants à un vieux monsieur qui est un ouvrier, et la jeune fille se retrouve au contraire avec les outils de ce vieil ouvrier. Donc le Père Noël se met en colère, il envoie tout balader autour de lui. Enfin, c'est un petit peu l'état d'esprit français, si vous voulez. Un peu ironique aussi. Beaucoup d'ironie, et puis cet esprit français toujours pétillant, etc., que l'on trouve un peu chez tous les auteurs, jusqu'à ce qu'au XXe siècle, effectivement, des gens comme Mauriac mettent en cause Noël et parlent totalement d'une imposture, de toute façon. Ouais. Alors, parmi le décor de Noël, il y a aussi les cadeaux. Il y a beaucoup de contes où il est évidemment question de cet objet central ou ces objets que sont les cadeaux. Oui, alors il y a en particulier un conte qui s'intitule Le sapin de Noël de Dickens, qui est l'un des premiers contes en 1850 à nous parler donc de ce décor, qui est en fait recouvert de cadeaux potentiels pour les enfants. Alors il y a des polichinelles, il y a des sucreries, il y a des livres de contes. Évidemment, le livre de contes est essentiel au moment de Noël, hein. Les enfants, c'est le grand moment où ils lisent les contes de Perrault, les contes d'Andersen, les contes de Grimm. Ça fait même partie aussi du décor, justement. Les contes, c'est le décor aussi de Noël. Voilà, exactement. C'est toute cette mythologie qui réapparaît même dans les cultures enfantines à travers toutes ces apparitions qu'il peut y avoir avec des ogres, des sorcières dans tous les contes traditionnels. Au point d'ailleurs que des écrivains comme Jules Lemaître nous ont montré que les enfants mélangent l'enfant Jésus avec les contes de Perrault, le petit chaperon rouge, tout ça se mélange. Alors ce sont des contes absolument charmants qu'il faut vraiment lire parce que là encore, nous avons toute une mythologie qui se crée autour de Noël. Mmh. Alors j'aimerais, puisqu'il nous reste assez peu de temps, que vous nous disiez, Jérémy Benoît, quels sont vos contes préférés dans ce recueil-là? Alors écoutez, je crois que mon conte préféré, c'est très simple, hein, c'est le Cantique de Noël de Charles Dickens. Cette apparition dans la nuit du réveillon, donc de la tête d'un défunt qui s'appelle Marley, qui était en fait l'associé d'un personnage totalement avaricieux qui s'appelle Scrooge. Donc là, c'est l'un des plus célèbres, mais c'est vrai que c'est là véritablement peut-être le chef-d'œuvre, mais les trois messes basses ne sont pas très loin malgré tout. Sinon, il y a des contes Scrooge c'est le chef-d'œuvre? Oh bah parce que je ne sais pas, c'est cette histoire, c'est extrêmement émouvant en plus comme histoire. C'est l'histoire de ce vieux personnage complètement avare, totalement matérialiste, qui redécouvre et qu'effectivement la vie peut être belle, le monde est sacré, l'homme est sacré également. On n'a pas le droit de le traiter comme de la marchandise, si vous voulez. Et puis toujours ce thème des apparitions des anges, des Noëls passés, des Noëls présents et des Noëls à venir. Donc toujours ce grand mythe de la chasse sauvage qui est relativement présent toujours chez Dickens. D'autres contes sont extrêmement émouvants. J'ai parlé de la Noël de Marthe, cette petite fille qui meurt. Voilà, ce sont Noël du petit joueur de violon aussi, de Camille Lemonnier. Oui, Camille Lemonnier qui est un écrivain belge de la fin du 19e siècle. Là encore, c'est C'est un conte qui est assez proche d'ailleurs de l'esprit de Dickens. Hein. Ce sont des bourgeois très aisés qui refusent de donner de l'argent à un pauvre petit musicien violoniste italien. Et donc qui meurt dans la nuit de Noël, bien entendu. Donc là encore, ce sont des histoires très, très, très émouvantes, mais qui correspondent toujours à la naissance du Christ. Ces morts sont des naissances dans un monde autre qui est celui du christianisme. Il faut bien comprendre cela. Voilà, et tous ces contes, on peut les retrouver dans le bouquin de Noël, édition établie et présentée par vous, Jérémy Benoît. C'est dans la collection Bouquins des éditions Robert Laffont, et c'est paru en 2016. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Laurence Malonda, Stéphanie Vélin et Jean-Guy Limbège. Bon Noël à tous. Demain, troisième jour de notre série consacrée aux contes. Dans la compagnie des auteurs, nous parlerons du Petit Chaperon Rouge. Ce sera avec Anne-Marie Gara, qui l'a lu des centaines de fois et y voit des choses, vous l'entendrez, tout à fait passionnantes. Mais tout de suite sur France Culture, c'est le retour de la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous. Hans Limon, poéticide, comment décrire ? Italique et frappe normale, droite. Alternance de ses billets en prose échevelée et des élans poétiques enragés, enrimés, très fortement enrimés, à l'ancienne presque, entre Artaud et Verlaine avec une petite dose de vigno vert des Pessoa, le meilleur. Hans Limon se fabrique par pièces. « Ma gorge est un entonnoir qu'on aurait nettoyé à l'eau de Javel. Non, décrassé. Non, récuré. Ma tête, une éponge imbibée d'absinthe. Je ne sens plus mes doigts. Je ne sens plus mon cœur qui devrait battre et n'a guère plus de masse ni de circonférence qu'un petit poids coincé dans la gueule d'une goule affamée. Je trinque pour tout ce qu'a pu ingurgiter le petit Pessoa juste avant de rendre l'encre et l'encrier. » Derrière la fenêtre nue s'étale indécemment Marseille, logeant dans ses replis chatoyants l'Uvauve, le Jarret, le ruisseau des Égalades, la Canebière et les Calanques, hiver 1896, chambre d'Antonin Artaud, à quoi ressemble un poète nouveau-né dans un lit miniature. Sa geint, grimace, pue, se contorsionne, réclame, fragment songe. Mon succube, je succombe, je plie sous l'hécatombe, je chancelle, je titube, j'ai les pieds dans la tombe, ma catin, ma sale garce, j'ai englouti ta farce, ma putasse, ma putain, j'ai bu ton baratin. Oui, là on va s'attirer des ennuis. Non mais on essaie de voir si ça sonne, juste, Léison, ça sonne, oui, un peu comme autrefois, mais plutôt provocateur. Stridge, l'ami, goularpi, monstrueuse aridelle enroulée d'un serpent sensuel et cruel. Est-ce que tu reviendras dans mon somme éternel, chevaucher mon corps froid, me dévorer la moelle? Est-ce que tu m'envelopperas de tes deux larges ailes pour tromper le trépas, conserver ton fidèle? Et c'est barré. Non, je veux pas dire que c'est barré dans le propos aussi, mais le poème est complètement barré. Tous ces poèmes du début du livre sont barrés. Les sublimes frondaisons, les plus chaudes saisons, se répandent et s'étalent, bien plus que de raison, sous le regard ami de la lune alanguie, désolante, obsédant, le souvenir désarmant de tes nombreux amants, qui ne manquent toujours pas d'air, même rongés par les vers, même 6 pieds sous la terre. Prosterne-toi, mon adoré, consterne-toi, mon abhorré. Et là, on se demande un moment si c'est pas une farce, un poème de Potache. Non, non, ben on continue, on verra. Tes flancs pandémoniaques et leurs penchants maniaques réclamant tous les soirs une vraie star du braquemar, un balèze de la baise bien membré, bien à l'aise, un missionnaire expert militaire de carrière, toujours à son affaire, un génie du coït virtuose de la bite, une machine à orgasme, distributeur de spasmes, un colossal jouisseur qui burine jusqu'au cœur, une somnité du sexe, jamais à court, jamais perplexe, un athlète endurci, caucasien, circassien, circoncis, un chapiteau magique, un clown acrobatique, un sybarite ronflant, un troglodyte grouillant, un incendiaire pompier démonteur de sommier, un soudard ténébreux à l'humour tendancieux. Oulala, oulala, on vient de faire sur ces mots crus, ces mots de cul, autant le dire, une saute d'audience, un bond d'écoute absolument prodigieux. Mathieu, demain, nous continuons avec Hans Limon, coûte qu'écoute. Jacques Bonafé, merci.